pas blessés. En dehors, les bas blessent les. Rares sont les chiens dressés. Soleil nocturne, à quel Icy qui te fume. Le but c'est de tuer et pas de blesser. C'est quoi ton blème? Tu veux me baiser? Enfoiré, on t'a dit que j'étais pédéraste. Carré, Boogie chauffe ou Rasta. La neuve race de Rascar. Chouf et chauffe, c'est tribal. Tirer c'est de la balle. Je refroidis les grillés comme au Népal. But et puni, ces fils de pute qui sans avoir puni le but de l'organisation des nègres unis. Un 8-7 sur un nègre, pas n'importe lequel. Une grande gueule, j'ai trop de rancœur et des plans d'œil. Les guns parlent, négro part en fumée. Les guns fument, négro va en parler. Qui vit pas les armes, périt pas les armes. Ah et moi, hit me, hate me. Trop d'ennemis plus de M16 provoque des miettes humaines. Embrasse sur les larmes, larmes sur ton bras. Car j'suis pas venu manu. Pouvoir au bout du canon dans ta bouche. Notre cas, no go, tu me reconnais narco. Colle tes gros sur le chrome, négro. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Encore une paire du mauvais pied. Bonhomme, les mots en V. Y'a peu de bons hommes dans le zoo. En bronze. Sous les blèmes, sous les tout le temps. J'tout le temps, ouais. Car je voudrais tant rêver qu'ils crèvent tous et cramés sous mon gun, comme gun. Trop de feu pousse dans mon crâne. Y'a urgence, man. C'est contre le mal et sa raison, sa mère. Que de la merde au centimètre carré. Ça pue. Thomas et les hématomes. J'suis Hercule dans ses travaux et Thomas, l'incrédule. A voir le monde, faut croire que la merde déborde. Mais mort, négro, le port ne peut mort. Y'a rien de tuer les hommes. Car des hommes ont brandi l'arme. Car ma gars est réincarné dans une bête, négro, oui. Au gros titre, un nègre vient tuer un nègre. C'est la loi de la jungle. Mais est-ce qu'un nègre, putain, nègre. Face à face, les coups, fuis, j'te promets la fausse fuite. Un coup de fil et c'est le coup de feu et un défunt. Ainsi font, font, font. Les liens sont et se défont. Un gars vif. Tu ferais un nègre et puis je baiserai sa pute. Ensuite je t'écale parce qu'un nègre mort ça pue. Je suis un nègre ma bé, ça lancé du fond du ghetto. Tu traites les nègres et puis les barres. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Shooter un nègre. Black contre black. Shooter un nègre. Attaque contre attaque. Y'a quoi, négro? C'est moi que tu regardes. Ouais, négro. Je vois quelqu'un d'autre ici à part toi et moi. Un être gangster, tu joues le taré sous ton veston. Mais laisse tomber, tu baisses qu'on appelle le vent. Matricule, Kaira, mais t'es même pas un bonhomme. En face à face, tu me dis que t'es jamais au sommet. Bougre de merde. Je rêve de shooter un nègre, un black, un bantou, un non intègre. Envie de bébé, néglo, qui pèse quand je m'éclate. Fais gaffe à mes crocs, surtout quand j'avais mes gants. Envie de baiser sa nana, moi j'suis un vrai man. C'est haram, elle est bonne comme un anan. RL, Y, un full spell dans ta boîte. Quand je débarque, c'est négro tous les mêmes moites.